إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ceci est donc un enregistrement ou un réenregistrement du cours ou d'un des cours de des trois fondements de Cheikh Mohamed bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. L'explication est faite par Cheikh Obeid Al-Jabiri hafidahullah ta'ala. Et donc c'est un cours qu'on a perdu, qui c'est un enregistrement qui a été perdu, et donc on fait un réenregistrement inchallah afin qu'il soit placé sur notre site et que l'étude du livre soit complète. Donc on commence directement inchallah ta'ala. قال المصنف رحمه الله فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. L'auteur qui est Cheikh Mohamed bin Abdul Wahhab رحمه الله تعالى, le grand imam al-Mujaddid, dit qu'Allah lui fasse miséricorde, si on te dit quels sont les trois fondements qui sont obligatoires à tout individu de connaître, répond que l'adorateur connaisse son Seigneur, sa religion et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc là-dessus, on a l'explication de Cheikh Obeid Al-Jabiri hafidahullah ta'ala. Il nous dit Al-Usulu jam'u aslin, wa huwa fil lugha ma yubna alayhi ghayruhu wa yatawalladu minhu kal asasi aslu al-bina wal jidh' aslu al-shajara. Qala ta'ala أصلها ثابت وفرعها في السماء سورة إبراهيم فأصلها جذعها وفي الاصطلاح العقيدة أصول الدين وقواعده وأسسه التي يبنى عليها وهذه الثلاثة هي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهي مسائل القبر الثلاث فإن الميت إذا وضع عفوا في قبره وتولى عنه أهله أتاه الملكان فأقعداه وسألاه هذه الأسئلة من ربك وما دينك ومن نبيك فإن كان مؤمنا قال ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان غير ذلك قال ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. Donc, Cheikh Obeid Al-Jabiri, hafidahullah ta'ala, qu'Allah le préserve et le récompense par le Firdaus al-A'la, nous fait déjà une explication de ce passage du livre de Cheikh Mohamed bin Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, en l'occurrence les trois fondements. Et il dit, les fondements, al-usul, c'est le pluriel de asl. Et c'est dans la langue arabe, donc la définition dans la linguistique, dans la langue arabe, c'est sur quoi tu construis autre chose. C'est-à-dire qu'un asl, c'est ce sur quoi tu construis autre chose. Ce à partir de quoi découle autre chose. Comme les fondations sont le fondement de la construction. Et le tronc est la base de l'arbre. La traduction du sens de la parole d'Allah dit « Un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure s'élançant dans le ciel. » Surat Ibrahim, verset 24. Sa base, c'est son tronc. Asluha. Sa base, c'est son tronc. Dans le jargon maintenant de la législation islamique, c'est-à-dire dans le vocabulaire utilisé par le ulama, qu'est-ce que veut dire le mot asl? Eh bien, la croyance, al-aqida, les fondements, de la religion et ses règles et ses bases sur lesquelles on construit. Donc al-usul, la croyance, la aqida, les fondements de la religion et ses règles et ses bases sur lesquelles on construit. Ces trois fondements sont affirmés dans le Coran ou par le Coran, la sunna et l'ijma, le consensus des musulmans. Ces trois fondements sont que le serviteur, l'abd, connaisse son seigneur, rabbahu, sa religion, dinahu, et son prophète, alayhi salatu wassalam, Muhammad, alayhi salatu wassalam. Et ce sont les trois points sur lesquels on sera questionné dans la tombe. Et d'où l'importance de connaître ces trois points. Car le mort, lorsqu'il est placé dans sa tombe et que ses proches l'ont quitté, les deux anges viennent à lui et le font s'asseoir. Et lui posent les questions suivantes. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et quel est ton ou qui est ton prophète? Si c'est un croyant, il répond, mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam et mon prophète est Muhammad. Et s'il ne l'est pas, il dira, je ne sais pas, j'ai entendu les gens dire quelque chose, alors je l'ai dit. Et Cheikh, il y a une note en bas de page, voir Sahih al-Bukhari, livre de la science, hadith numéro 86. Ensuite, l'auteur qui est Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, rahimahullah, il continue, قال المصنف rahimahullah, الأصل الأول معرفة الرب فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالمين. Donc l'auteur qui est Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit le premier fondement. Donc il a parlé des trois fondements, maintenant il parle de manière générale. Et maintenant il y a ce qu'on appelle un détail. Et il dit, et le premier fondement c'est quoi? C'est la connaissance du Seigneur. Ma'rifatul abdi rabbahu. Comme on a dit, les trois fondements étaient ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Donc il commence par la connaissance du Seigneur, c'est ma'rifatul abdi rabbahu. Le premier fondement, c'est la connaissance du Seigneur. Si on te demande quel est ton Seigneur, réponds, mon Seigneur est Allah, qui m'a éduqué et a eu soin de tous les mondes par ses bienfaits. Et il est celui que j'adore et je n'ai pas d'adoré en dehors de lui, autre que lui. La preuve de cela est la traduction du sens de la parole d'Allah, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Surat al-Fatiha, verset 2. Et toute autre chose qu'Allah est l'univers. Et je fais partie de cet univers. On a l'explication maintenant de Cheikh Ubaid al-Jabiri hafidahullah, qu'Allah le préserve de ce passage. Et il dit, Cheikh, ma'arifatu rabbi taqtadi al-imana bih. Wal-iman bima yastahiquhu min al-ibadati al-khalisati wal-asma il-husna wal-sifat il-ula. Wabada'a Cheikhu bihi l'annahu aslul usul. Wal-rabbu yutlaqu ala al-malik wal-sayyid wal-ma'bud. Wala tajtami'u kulluha إلا في الله عز وجل المخلوق قد يكون ربا بمعنى سيدا أو بمعنى مالك وسيد لكن لا تجتمع مع المعبود إلا لله سبحانه وتعالى فهو المالك السيد المعبود الذي له الخلق والأمر شرعا وقدرا وملكا واستحقاقا وتدبيرا وتصريفا. Donc, Cheikh Ubaid al-Jabiri nous dit, hafidahullah ta'ala, qu'Allah le préserve en guise d'explication, la connaissance du Seigneur implique la croyance en lui, subhanahu wa ta'ala. Et la croyance en, au fait, ou en ce qu'il est, en droit d'être adoré. Sincèrement, exclusivement. Et la croyance en ses noms parfaits, subhanahu wa ta'ala. Et ses hauts attributs, subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh a commencé, il fait référence ici évidemment à Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Le Cheikh a commencé par cela car c'est le fondement des fondements. Aslul usul. On dit Ar-Rab, le Seigneur, Maître. on dit le Seigneur au maître, à l'adorer au Seyyid. Mais on ne les retrouve ensemble que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Une créature peut être Seyyid, hein, dans le sens maître, ou dans le sens Seyyid et Malik, c'est-à-dire maître et possesseur, mais on ne les regroupe pas avec Al-Ma'boud, l'adoré, sauf pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car il est subhanahu wa ta'ala le maître, le possesseur, l'adoré, celui à qui appartient la création et le commandement dans sa législation, dans la création, dans sa royauté, dans la distribution, dans l'administration. Et il est le seul endroit donc que se retrouvent en lui ces trois, maître, possesseur et adoré, subhanahu wa ta'ala. Cheikh, maintenant, il continue, Cheikh Abel Jabiri, il nous dit, « Qawluhu, Rabbi Allah, ay ma'boudi, kama ruya an ibn Abbas, tafsiru Allah, bi dhul uluhiyati, wal uboudiyati ala khalqihi ajma'in. » Il y a une note de bas de page qui dit, « Athar ibn Abbas, an ibn Jarir al-Tabari fi tafsirihi. » فلفظ الله والإله من الألوهة بمعنى العبادة فالله مألوه بمعنى معبود. Sa parole, mon Seigneur, est Allah, c'est-à-dire celui que j'adore. Il a été rapporté d'Ibn Abbas qu'il a expliqué le nom Allah par celui que toutes les créatures se doivent d'adorer et de diviniser. Le mot Allah et Al-Ilah viennent de Al-Uluha, qui a pour sens l'adoration. Allah est Ma'louh, avec le sens de Ma'boud, c'est-à-dire adoré. Sa parole, celui qui m'a éduqué, Alladhi Rabbani. Wa tarbiyatullahi lil mukallafin ala darbaini. Donc, Cheikh Abel Jabiri, hafidhahullah ta'ala, il continue l'explication, il rapporte la parole du Cheikh Mohamed Al-Wahhab, Alladhi Rabbani. Et il dit, Wa tarbiyatullahi lil mukallafina ala darbaini. Ahaduhuma, tarbiyatun bin ni'amil maddiyah, ou naqul, tarbiyatut taghdiyah wal imdad bi asnafi ni'amil ma'ash. Al-thani, tarbiyatullahi li ibadihi bima anzalahu ala rasulihi, alayhimu salatu wassalam, min wahyihi. Wa hadihi tarbiyatu ad-diniyah. إذن يمكن أن نقول إن تربية الله عباده منها ما هو دنيوي ومنها ما هو ديني والنعم جمع نعمة. Alors maintenant, Cheikh Obeid, il explique la parole de Cheikh Mohamed Al-Wahhab qui nous dit « Alladhi Rabbani », c'est-à-dire celui qui m'a éduqué. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit, Cheikh Obeid Al-Jabiri, l'éducation d'Allah envers ses al-mukallafin, c'est-à-dire ceux qui rentrent, hein, de manière très simpliste, ceux qui rentrent dans l'obligation de pratiquer la religion, est de deux types. Donc l'éducation d'Allah envers le mukallafin, elle est de deux types. La première, l'éducation par les bienfaits matériels, ou on peut dire l'éducation de l'alimentation et de maintenance par les différentes catégories de bienfaits de la vie. La deuxième, ou le deuxième type d'éducation d'Allah Azza wa Jal envers le mukallafin, c'est parce qu'il a descendu comme révélation sur ses messagers, alayhi salatu wassalam. Et c'est l'éducation religieuse, at-tarbiyah ad-diniyah, hein, comme on a vu en opposition avec ce qu'on a vu avant le premier type, at-tarbiyatu ad-dunyawiyah. Ils nous ont donc possible permis de dire que l'éducation d'Allah envers ses serviteurs est soit concernant les choses de ce bas monde, dunyawiyah comme on a dit, soit religieux, dini. Al-ni'am, dans la langue arabe, c'est le pluriel de ni'mah, c'est-à-dire bienfait. Et Cheikh Obeid, il continue son explication, il nous dit, wa qawluhu, wa hu ma'boudi, laysa li ma'boudun siwah. Hada wa tahqiqu ma'na la ilaha illallah. Wa sihhatuhu la ma'bouda bi haqqin siwah. Aw la ma'bouda haqqun illallah. Hada wa tahqiqu ma'na la ilaha illallah. الآية الكريمة الحمد لله رب العالمين. الحمد هو الثناء على الله عز وجل، وموجب الحمد نعمه الظاهرة والباطنة، والحمد يفرق بينه وبين الشكر، فالحمد يكون على النعمة والمصيبة، والشكر لا يكون إلا على النعمة، والحمد يكون باللسان فقط، والشكر يكون باللسان والقلب والجوارح. قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. يدي من الجوارح، واللسان القول، الضمير المحجبا القلب. فالإنسان يقول للمنعم عليه: شكر الله لك، جزاك الله خيرا، هذا باللسان، وقد يمد يده ويصافحه، وكذلك يستشعر بقلبه أنه أنعم عليه. وبدأ الله عز وجل 4 سور غير الفاتحة بالحمد، متبعا ذلك بموجب الحمد، فهذه الآية موجب الحمد، ربوبية الله لعباده، ربوبيته لعباده، الحمد لله رب العالمين، ربوبيته لعباده. فما السور الأخر الأربع؟ avant de répondre à cette question, on va d'abord traduire ce passage. Sa parole, et il est celui que j'adore. Je n'adore pas autre que lui. C'est la réalisation du sens de la ilaha illallah. Son sens authentique est: nul n'est en droit d'être adoré avec vérité à part Allah. Ceci est donc la réalisation de la ilaha illallah. Le noble verset dont la traduction du sens est: louange à Allah, Seigneur de l'univers. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamd, c'est le fait de faire sa louange, ce qui est rendu obligatoire par ses bienfaits, apparents et cachés. Il y a maintenant une différence entre Alhamd et Shukr. La différence entre Alhamd, la louange, et Shukr, le remerciement. Et c'est la suivante. Alhamd, c'est pour le bienfait et la calamité. Al-ni'ma wa al-musiba. Tandis que Shukr n'est que pour le bienfait. Al-ni'ma. Alhamd se fait par la langue uniquement, tandis que Shukr, lui, est fait par la langue, le cœur, et les membres. Donc, ma main, parmi les, ma main parmi les membres, la langue, la parole, l'individu dit à celui qui lui fait un bien qu'Allah te remercie, qu'Allah te récompense par un bien. Ceci est fait avec la langue, et peut-être tendra-t-il sa main et lui serra-t-il la main. Et aussi, il ressent avec son cœur qu'il lui a fait un bien. Allah a commencé 4 sourates en dehors de la Fatiha par Alhamd, et ensuite a cité ce que justifie cette louange, ce qu'on appelait Mujibul Hamd. Ce verset ici, dans le surat al-Fatiha, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On a dit Alhamdulillah, hein? Mais qu'est-ce qui justifie cette louange et la rend obligatoire, ce qu'on appelle en arabe Mujibul Hamd? Ce qui justifie sa louange, c'est sa souveraineté. C'est la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Alors maintenant, Cheikh Obeid al-Jabiri, hein, comme on dit toujours que il fait partie du bon enseignement d'un enseignant de poser des questions. Et c'est une sunna. On avait déjà rapporté des preuves à ce sujet-là. On avait dit par exemple le hadith où le prophète alayhi salatu salam, il a demandé à Mu'ad ibn Jabal: Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi ala al-ibad. On avait dit que l'intérêt de ça, c'est justement d'attirer l'attention de celui qui écoute pour qu'il soit attentif à ce qui va être dit. Le Cheikh, il dit: quelles sont les 4 autres sourates? Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est les 4 autres sourates que sourate al-Fatiha. Donc il y en a en vérité 5 qui commencent par Alhamdulillah. Mais Cheikh, il dit: quelles sont les 4 autres sourates qui commencent par Alhamd, et quelle est dans chacune d'entre elles Mujibul Hamd, c'est-à-dire qui rend obligatoire le fait de faire l'hamd, alhamdulillah, de dire alhamdulillah, de louer Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala. Cheikh, il dit, al-oula, surat al-an'am, awaluha, alhamdulillah, alladhi khalaqa al-samawati wal-ard, wa ja'la al-zulumati wal-nour, thumma alladhina kafaru bi rabbihim, ya'diloun. C'est donc le premier verset de surat al-an'am. Maintenant, quel est Mujib al-Hamd? Qu'est-ce qui rend obligatoire ici al-Hamd? خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. Donc, Cheikh, il répond à sa question et il dit, donc la question qui était: quelles sont les 4 autres sourates que sourate al-Fatiha qui commence par Alhamd autre que la Fatiha, et quel est ce qui rend obligatoire ce Hamd? Cheikh lui répond en disant la première c'est Surat Al-An'am. Son début est Alhamdulillahi khalaqa as-samawati wal-ard wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Traduction du sens des versets, louange à Allah qui a créé. Vous voyez ce qui rend obligatoire Alhamd, louange à Allah qui a créé les cieux et la terre et établi les ténèbres et la lumière. Pourtant, les mécréants donnent des égaux à leur Seigneur. Ce qui rend obligatoire la louange, c'est la création des cieux et de la terre et l'établissement des ténèbres et de la lumière. Deuxième maintenant sourate, as-surat al-thaniyah, surat al-kahf. Qala fiha, alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Surat al-kahf, premier verset. Mujibu al-hamdi fiha, انزل الله الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم الكتاب الهادي المستقيم القويم. Cheikh donc il répond encore à sa question et dit la deuxième sourate qui commence par الحمد c'est sourate الكهف. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Traduction du sens du verset, louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur Muhammad le livre et il n'y a point introduit de tortuosité, ambiguïté. Ce qui rend obligatoire la louange et l'hamd dans ce verset, le fait qu'Allah ait fait descendre sur son messager, alayhi salatu wassalam, le livre qui guide droit. Troisième sourate, as-suratu thalitha, suratu saba'. Awwaluha, alhamdulillahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard, wa lahu alhamdu fi al-akhirah, wa huwa al-hakim al-khabir. Famujibu alhamd, Mulkuhu les samawati wal ardi wa ma fihima. Cheikh il continue à répondre à sa question. Il dit la troisième sourate. Alhamdulillah alladhi lahu ma fi samawati wal ard wa lahu alhamdu fil akhirah wa huwa al-hakim al-khabir. Traduction du sens du verset. Louange à Allah à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Et louange à lui dans l'au-delà et c'est lui le sage, le parfaitement connaisseur. Ce qui rend maintenant la louange obligatoire dans ces versets, c'est sa possession, subhanahu wa ta'ala, des cieux et de la terre, et de ce qui s'y trouve dans les cieux et la terre. Quatrième, rabi'a wal akhira, quatrième et dernière, Fatir, suratu Fatir, yaqulu fiha azza wa jal, alhamdulillahi fatir al-samawati wal-ard, ja'ilil malaikati rusula. Mujibu al-hamd kounuhu fatar al-samawati wal-ard, wa ja'ala al-malaikati rusula. وجعل الملائكة رسولا. Dernière sourate qui commence par Alhamdulillah. Et c'est pas les seules sourates où on a le mot Alhamdulillah, comme va dire le cheikh dans un instant, Inch'Allah. Mais le cheikh a parlé ici des cinq sourates qui commencent par Alhamdulillah. Sourate Al-Fatiha, comme on a déjà dit, Sourate Al-An'am, Sourate Al-Kahf, Sourate Saba et Sourate Fatir. Donc Sourate Fatir, la quatrième et la dernière, ou la cinquième si on inclut le Fatiha. Alhamdulillah, fatir al-samawati wal-ard, wa ja'il al-malaikati rusula. Traduction du sens du verset, louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges des messagers. Ce qui rend la louange obligatoire dans ce verset, ici, c'est le fait qu'Allah ait créé les cieux et la terre, et fait des anges des messagers. Cheikh il continue en disant وأما ذكر الحمد في ثنايا القرآن يزيد على الأربعين موضعا وتفسير الشيخ للعالمين بعالم هذا صحيح جمع عالم والعالم أو العالمين لم مفرد له من لفظه مثل الأهلين لم مفرد له من لفظه. Cheikh il continue en disant الحمد est cité en dehors des premiers versets des sourates à plus de 40 endroits du Coran. Comme on a dit, ici, il y a une différence entre le fait qu'une sourate commence par Alhamdulillah et le fait qu'il y ait dans une sourate Alhamd. On a dit qu'il y a cinq sourates dans le Coran qui commencent par Alhamdulillah, mais il y en a d'autres où Alhamd est cité. Et Cheikh dit qu'elle dépasse les 40, ou en tout cas pas les 40 sourates, mais elle dépasse les 40 endroits où Alhamd est cité dans le Coran, autre que dans le premier verset. Et Cheikh il continue en disant l'explication du cheikh du mot al-alamin par al-alam est correcte. C'est le pluriel de alamun. Et al-alam ou al-alamin est un mot qui n'a pas de singulier. Tiré de sa prononciation. Hein, c'est une traduction littérale évidemment du mot lafd, de sa formulation. Comme al-ahlin n'a pas de singulier de son lafd également, de sa formulation, de sa prononciation. Ou de son mot lui-même. والعوالم هي جميع المخلوقات من سماوات وأرض وملائكة وإنس وجن ودواب كلها عوالم فهي مدينة لله عز وجل خاضعة لسلطانه وهو مليكها ومصرفها وإلهها. Ce sont tous les créatures, les cieux, terre, anges, êtres humains, djinns et animaux, ce sont tous des awalim. Tous sont soumis à sa souveraineté, subhanahu wa ta'ala. Il est, subhanahu wa ta'ala, celui qui les possède, les dispose, et il est leur Dieu, subhanahu wa ta'ala. Leur Dieu unique. Cheikh, maintenant, Muhammad al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, il continue en disant, قال المصنف رحمه الله, on dit donc, قال المصنف رحمه الله, فإذا قيل لك بما عرفت ربك, فقل بآياته ومخلوقاته, ومن آياته الليل والنهار, والشمس والقمر, ومن مخلوقاته السماوات السبع, والأراضون السبع, ومن فيهن, وما بينهما. والدليل قوله تعالى, ومن آياته الليل والنهار, والشمس والقمر, لا تسجد للشمس ولا للقمر, والجود لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. سورة فصلت. Donc Cheikh Mohammed Al-Wahhab rahimahullah ta'ala, qui est l'auteur du livre Les Trois Fondements, continue en disant: si on te dit comment as-tu connu ton Seigneur, dis: par ses signes et ses créatures. Et parmi ses signes, la nuit et le jour, le soleil et la lune, et parmi ses créatures, les sept cieux, les sept terres, et ceux qui sont dans les cieux et les terres, et ceux qui sont entre eux. Pour preuve de cela, la traduction du sens de la parole d'Allah, parmi ces merveilles sont la nuit et le jour, le soleil et la lune, ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Sourate Fussilat, verset 37, et c'est la traduction du sens du verset. Maintenant, dans l'explication du Cheikh Obel Jabiri sur ce point-là, il nous dit, حفظه الله تعالى, qu'Allah le préserve, بما عرفت ربك, أي بأي شيء تعرفت عليه, واستدللت عليه أنه إلهك وخالقك وسيدك وربك, لا بد من أدلة وبراهين, وقد نصب الله عز وجل في كتابه من الأدلة والبراهين على وحدانيته ما قامت به الحجة على العباد, وأنه المستحق وحده للعبادة, وجاءت بهذه البراهين الرسل عليهم الصلاة والسلام وأبانوها للعباد حق البيان. Comment as-tu connu ton Seigneur, c'est-à-dire comment as-tu fait sa connaissance, et qu'as-tu utilisé comme preuve qu'il est ton Dieu unique, ton Créateur et ton Maître et ton Seigneur? Il faut des preuves et des évidences. Allah a dit dans son livre des preuves et des évidences qui ont dressé les preuves sur les serviteurs, et qu'il est le seul en droit d'être adoré, subhanahu wa ta'ala. Les messagers, alayhi salatu wasalam, sont venus avec ces preuves et les ont mises en évidence, les ont clarifiées de la manière, meilleure des manières aux serviteurs. Shir, il continue en disant, فَقُلْ عَرَفْتُهُ بِآيَاتِ الْآيَاتِ جَمْعُ آيَاتٍ وَهِيَ فِي اللُّغَةِ الْعَلَامَةِ وَآيَاتُ اللَّهِ ثَلَاثُ أَصْنَافٍ آيَاتُ الْمُنَزَّلَةِ عَلَى الرُّسُلِ وهي وحيه الذي أوحاه الله إلى كل رسول وأمره أن يبلغه قومه. وآيات آفاقية أو أفقية مخلوقة من السماوات والأرض والشمس والقمر ويشاهد وما يشاهد في الكون منها. والآيات المنزلة مثل القرآن والتوراة والزبور والإنجيل وصحف موسى وصحف إبراهيم وغير ذلك مما لم يسمي الله عز وجل. مضى صنفان من آية الرب الدالة على وحدانيته، ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفته. وغبت مدى صنفان من آية الرب الدالة على وحدانيته، ربوبيته وألوهيته وأسماؤه وصفاته. وآيات نفسية، أي وهي ما يلحظه الإنسان في نفسه من عجيب صنع الله عز وجل. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، سورة الذاريات. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، سورة فصلت. فعرفتم آيات الرب الدالة على آيات الرب الدالة على وحدانيته. ثلاثة أصناف هي منزلة، وهذه غير مخلوقة لأنها كلامه سبحانه وتعالى. الثاني أفقية أو آفاقية، والثالث آيات نفسية، وهذا الصنفان مخلوقان، أي الآيات الأفقية والآيات النفسية. Donc chez ici, il détaille au niveau des signes. Cheikh Hafidullah, il dit, « Dis, je l'ai connu par ces signes. » Les signes, al-ayat, c'est le pluriel de ayah. Signe, et c'est dans la langue arabe l'indication, al-alama, le signe. Les signes d'Allah sont de trois types. Premier type, c'est ce qu'on a appelé al-ayat al-munazzala, les signes descendus au messager, c'est-à-dire révélés. Et c'est la révélation qu'Allah a faite à chaque messager et lui a ordonné de transmettre à son peuple. Et Cheikh, il a rapporté après, mais on va le rapporter maintenant. Hein? Il dit les signes révélés comme par exemple le Coran, la Torah, Zabur, l'Injil, c'est-à-dire l'Évangile, qu'on appelle en français l'Évangile, Suhuf Moussa ou Suhuf Ibrahim, les feuilles d'Abraham et de Moïse, et d'autres livres encore qu'Allah n'a pas nommés. Maintenant, après l'ayat al-munazzala, c'est-à-dire les signes révélés, il y a les signes, ce qu'on a appelé afaqiyah ou ufuqiyah, c'est-à-dire dans l'horizon. Parmi eux, les cieux et la terre, et le soleil et la lune, et ce qu'on peut voir dans la création. Nous avons donc vu les deux types de signes du Seigneur qui indiquent son unicité, sa souveraineté, sa divinité, ses noms et ses attributs. Il reste maintenant à voir le troisième type de signes, c'est-à-dire l'ayat al-nafsiyah. Les signes en nous-mêmes. Et c'est ce que l'individu peut observer d'étonnant en lui-même comme œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela. Surat Fussilat, verset 53, la traduction approximative du sens. Et Surat Dariyat, verset 21, traduction du sens de la parole d'Allah. Ainsi qu'en vous-même, n'observez-vous donc pas? Hein, une remarque, d'ailleurs le verset avant c'est « وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ » Il y a sur terre des preuves pour ceux qui croient avec certitude. Ainsi qu'en vous-même, « وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ » Ainsi qu'en vous-même, n'observez-vous donc pas. Cheikh il dit, حَفِدَهُ Ta'ala, vous connaissez maintenant les signes du Seigneur qui indiquent son unicité. On a dit trois types, elles sont révélées, مُنَزَّلَةً, signes révélés. Ceux-ci ne sont pas créés, évidemment, parce qu'ils sont révélés, attention, car ils sont sa parole, subhanahu wa ta'ala. Il y a un deuxième type qui, lui, est créé, et le troisième type, d'ailleurs aussi, comme Cheikh va le dire, est créé, c'est ce qu'on appelait l'ayat al-ufuqi wal-afaqiyya, c'est-à-dire que l'on peut observer dans l'horizon. Troisième signe qui est également créé, les signes en nous-mêmes, ces deux dernières catégories des signes sont créés. C'est-à-dire quoi? On a dit que al-ufuqiyya wal-afaqiyya en arabe, c'est les signes qu'on peut voir dans l'horizon. Et le troisième type aussi, les signes qu'on peut voir en nous-mêmes, l'ayat al-nafsiyah, eh bien ces deux derniers types de signes sont deux catégories qui sont créées. Pas comme la première catégorie qui sont les signes révélés. Et qui ne sont pas créés évidemment car ils sont la parole d'Allah Azza wa Jal. Cheikh continue en disant, Hafidhahullah Ta'ala, فَقُلْ عَرَفْتُهُ بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ الحقيقة أن المخلوقات داخلة ضمن الآيات ولكن هذا من باب التكرار وليس المغايرة لأن كل مخلوق آية، وليس كل آية مخلوقا، فبينهما عموم وخصوص. فهذا عرفته بآياته ومخلوقاته من عطف الخاص على العام، فكل مخلوقة آية وليس كل آية مخلوقا كما قدمنا. Ça c'est un point aussi très important. Il continue en expliquant la parole de Cheikh Abdel Wahhab rahimahullah, dit: je l'ai connu par ses signes et ses créatures. Hein, vous voyez ici, par ses signes et ses créatures. عرفته بآياته ومخلوقاته. Alors Cheikh rapporte un point ici qui est important, et on voit la compréhension des gens de science. La vérité est que les créatures rentrent dans les signes. C'est une répétition. Hein, la coordination ici, ce qu'on appelle waw, al-atf, indique la répétition, pas une différenciation. At-tikrar, l'al-mughayara. Ici, c'est un point évidemment dans la langue arabe, pour ceux qui ont déjà fait la langue arabe. C'est important de le rapporter. Hein? Ayati wa makhluqati. Ce qui veut dire que, ici, le waw est, n'indique pas une différenciation, mais indique une répétition. Et écoutez bien ici, car chaque créature est un signe. Mais attention, et tout signe n'est pas une créature. Et pourquoi? Parce qu'on l'a déjà dit avant, que parmi les signes, il y a des signes qui sont révélés, et qui sont donc pas parmi ces créatures, subhanahu wa ta'ala. Et ce sont les ayat al-munazzala, les signes révélés. Donc on voit quoi? Que chaque créature est un signe, mais chaque signe n'est pas une créature. On va du général au particulier. Je l'ai connu par ses signes et ses créatures. C'est une coordination, waouh, et du spécifique sur le général, après le général. عرفت بآياتي ومخلوقات. Donc, ayat est plus général que makhlouqat. Car, tout makhlouq est un signe, mais tout signe, ou tout créature est un signe, mais tout signe n'est pas une créature. Chaque créature est un signe. Mais chaque signe n'est pas une créature comme nous l'avons déjà dit. ثم ذكر الشيخ من الآيات التي هي مخلوقة الشمس والقمر والليل والنهار واستدل عليها بآية فصلت وهي قوله تعالى ومن آياته أي من العلامات الدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى الليل والنهار والشمس والقمر تخصيص هذه الأربع لعظمها وهي أبرز الآيات المخلوقة المشاهدة فالليل والنهار بينهما اختلاف طولا وقصرا ظلمة ونورا عبرة كما قال تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا سورة الفرقان يطول هذا ويقصر هذا يأتي هذا ويذهب هذا والشمس ضياء النهار وسلطانه والقمر ضياء الليل وسلطانه. Cheikh rapporte un très beau point ici encore. Il dit Cheikh Hafidhahullah, c'est-à-dire Cheikh Abdel Jabiri, le Cheikh a ensuite cité parmi les signes créés. On parle ici de signes créés, en opposition aux signes révélés, comme on l'a déjà dit. Eh bien, les signes créés, parmi ceux-là, le soleil et la lune, et la nuit et le jour. Et a utilisé comme preuve le verset de Surat Fussilat, dont la traduction du sens est « Et parmi ces signes, c'est-à-dire parmi les signes qui indiquent son unicité, eh bien quoi, la nuit et le jour, et le soleil et la lune. » Cheikh Obed, il dit « Ces quatre signes sont cités ici de manière spécifique pour leur importance. Et ce sont les signes créés les plus importants que l'on puisse voir. La nuit et le jour sont différents en allongement et en diminution, en ténèbres et en lumière. Il y a une leçon à en tirer. Ibrah. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, et c'est lui qui a assigné une alternance à la nuit et au jour pour quiconque veut y réfléchir ou montrer sa reconnaissance. Et c'est la traduction du sens du verset 62 de Surat Al-Furqan. Celui-ci augmente et l'autre diminue. Celui-ci vient et l'autre s'en va. Le soleil est la lumière du jour et son sultan. La lune est la lumière de la nuit et son sultan. Il y a dans sa parole, ou la traduction du sens de sa parole, ne vous prosternez pas pour le soleil, ou ne vous prosternez donc pas pour le soleil, ni pour la lune. L'interdiction spécifique de se prosterner pour la lune et le soleil. Et cela attire notre attention sur le fait que certains mécréants les adoraient. Pour leur grandeur et les spécificités de chacun des deux. شيخ اللي هو في قوله تعالى لا تسجد للشمس ولا للقمر في تخصيص النهي من السجود للشمس والقمر تنبيه إلى أن بعض الكفار كانوا يسجدون لهما لما يرونه من عظامهما وخصائص كل منهما ومن خصائص الشمس والقمر ما له دخل حتى في النبات حتى في المد والجزر فبعض المشركين كان يسجدون لهما لا تسجدوا للشمس ولا للقمر قال واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون السجود يجب أن يكون لله والسجود ينصرف أكثر ما ينصرف إلى الهيئة المعروفة في الصلاة وهو وضع السبعة الأعضاء في الأرض كما قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم فبينها قال الجبهة والأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين انظر صحيح البخاري ومسلم فهو حديث متفق عليه من حديث ابن عباس ويعبر به عن الصلاة لأنه أشرف أركانها ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في السجود وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم أي حري بالاستجابة رواه مسلم كتاب الصلاة باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما كذلك وقوله إن كنتم إياه تعبدون إذا كنتم صادقين في عبادة الله فلا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن هما مخلوقان مسخران ليس لهما من العبادة شيء في الآية ملحظ آخر وهو أن المشركين لهم عبادات مثل الصدقة والحج والعتق لكن عباداتهم ليست خالصة بل مشتركة والله لا يقبل من العبادة إلا ما كان خالصا إن كنتم إياه تعبدون فاسجدوا له هو لا تسجدوا لغيره Donc, Cheikh Obel Jabiri, Hafidallah, il nous rapporte un point très important encore ici. Il nous dit Il y a dans sa parole, ne vous prosternez pas pour le soleil et pour la lune, l'interdiction spécifique, comme on l'a déjà dit, de se prosterner pour la lune et le soleil. Et cela attire notre attention sur le fait que certains mécréants les adoraient, pour leur grandeur et les spécificités de chacun des deux. Il y a des spécificités du soleil et de la lune qui touche même au domaine des plantes, à la marée haute et à la marée basse. Certains associateurs de Mushrikoun se prosternaient pour le soleil et la lune. Ne vous prosternez pas pour le soleil ni la lune, mais prosternez-vous pour Allah qui les a créés. C'est lui que vous adorez. La prosternation doit être pour Allah, uniquement pour Allah, exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. La prosternation se fait sur les sept membres posés au sol, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a été ordonné de me prosterner sur les sept os, les sept os, hein, les sept os, si vous voulez. Il les a ensuite cités et il dit le front et le nez, et les paumes des mains, et les deux genoux et les pointes des pieds. On appelle salat sujoud car la prosternation est le plus noble de ses piliers. Et c'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet, c'est-à-dire au sujet quant à la prosternation. Au sujet de la prosternation, quant à la prosternation, faites-y des efforts en invocation, car il y a forte raison que cela soit exaucé de vous. Exaucé. Dans un hadith rapporté par Muslim, hadith 1074, d'après Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Sa parole, si c'est lui que vous adorez, c'est-à-dire si vous êtes véridique dans son adoration, ne vous prosternez pas pour le soleil ni pour la lune, mais prosternez-vous pour celui qui les a créés, car ce sont deux créatures qui ne sont aucunement en droit d'être adorés. Il y a dans ce verset une autre chose que l'on peut observer, c'est que les associateurs ont aussi des adorations, comme l'aumône ou le pèlerinage et la libération d'un esclave, mais leur adoration n'est pas sincère. Ils y associent à Allah. Hein? Et Allah n'accepte de l'adoration que ce qui est sincère, exclusif, voué de manière exclusive à lui, subhanahu wa ta'ala. Si c'est lui que vous adorez, prosternez-vous pour lui, et ne vous prosternez pas pour autre que lui. قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلب حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين سورة الأعراف. Donc Cheikh Mohamed ben Abdel Wahhab رحمه الله تعالى il continue en disant Et c'est évidemment nous qui disons la traduction du sens de la parole d'Allah, mais lui rapporte le verset. Votre Seigneur, c'est Allah, qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis s'est établi, istawa, sur le trône. Il couvre le jour de la nuit, qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles, soumises à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Et c'est la traduction, comme on a dit, du sens de Surat al-A'raf, verset 54. On a l'explication de Cheikh Obel Jabiri, hafidahullah ta'ala. On continue un peu, on essaiera de ne pas faire trop long, inshallah. Au moins qu'on finisse l'enregistrement du cours qui était perdu complètement. Inna rabbakum Allah, bayyanna ma'na rabb, qabla qalil. Lakin fil ayati umurun jaddat alayna, lam nubayyinha salafa. Wahiya ma nasabahu Allah azza wa jil fi hadhi al-ayati min al-adillati ala wahdaniyatihi subhanahu wa ta'ala. Fa'arju ta'ammula hadhi al-adillah. Al-awwal, khalqu as-samawati wal-ard fi sittati ayyam. هذه الستة بُنيت في موضع آخر وهو في سورة فصلت قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم سورة فصلت يومان خلق فيهما الأرض ويومان خلق فيهما السماء ويومان كان فيها بقية أو فيهما بقية المخلوقات والله قادر على أن يخلقها جميعا بكن فتكون قال أهل العلم إن الله سبحانه وتعالى يعود عباده بهذا الطريق إلى التأني والحكمة لأنه لا يعجز سبحانه وتعالى انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي وفتح القدير للشوكاني. Explication de Cheikh Obey, donc de ce passage du livre, il dit « Votre Seigneur, c'est Allah, nous avons déjà expliqué précédemment ceci, mais il y a dans ce verset des points importants qui constituent des preuves sur l'unicité d'Allah que le son doit d'expliquer ici. J'espère que ces preuves seront méditées, c'est-à-dire que Cheikh, il attire notre attention ici. Hein? La première, la création des cieux et de la terre en six jours. Ces six jours ont été expliqués à un autre endroit du Coran, dans la sourate Fussilat. Voici la traduction du sens de ces versets. Dit, renierez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en deux jours, et lui donnerez-vous des égaux? Tel est le Seigneur de l'univers, celui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle, l'a béni, et lui assigna ses ressources alimentaires en quatre jours d'égale durée. Telle est la réponse à ceux qui t'interrogent. Il s'est ensuite adressé au ciel, qui était alors fumé, et lui dit, ainsi qu'à la terre, venez tous deux, bon gré, mal gré, tous deux dire, nous venons obéissants. Il décréta d'en faire sept cieux en deux jours, et révéla à chaque ciel sa fonction. Et nous avons décoré le ciel le plus proche de lampes, étoiles, et nous l'avons protégé. Tel est l'ordre établi par le puissant, l'omniscient. Et c'est donc la traduction des versets 9 à 12 de Surat Fussilat. Allah a créé subhanahu wa ta'ala la terre en deux jours. Il a créé le ciel en deux jours. Et deux jours pour le reste des créatures. Allah, et ça c'est très important de comprendre, Allah est capable de tous les créer juste en disant soyez et qu'elles soient. Et elles sont. Les gens de science ont expliqué cela. Hein, quelle est la sagesse de cela? Allah habitue de cette manière ses serviteurs à la sagesse et à faire les choses doucement. Car Allah est certes capable subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh, il donne référence, je vous la donne, Jami' al-Ahkam al-Qur'an al-Qurtubi, volume 7, page 195, et Fath al-Qadir al-Shawkani, volume 2, page 307. وقال أهل العلم مقدار ستة أيام لأن ليس في ذلك الوقت علامة ليل ولا علامة نهار، لكن نحن نقول ستة أيام لأن الله لا يحتاج إلى مقدار، نقول ستة أيام كما قال الله تعالى وهو يعلم سبحانه وتعالى أن الليل ينتهي بحد والنهار ينتهي بحد، ستة أيام كما قال. هذا الدليل الأول. هذا الخلق العظيم العجيب المتقن وجد في هذه ستة أيام، وهو قادر أن يوجده كلمح بالبصر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، كلمة واحدة لا يكررها وهي كن، ما يحتاج إلى أن تكرارها، كوني سماء وأرضا يكون كذلك. Et les gens de science, donc Cheikh continue d'expliquer cela, il dit, et les gens de science ont dit 6 jours, car à ce temps-là, il n'y avait pas de signe pour les jours, ni pour la nuit. Mais nous, nous disons 6 jours, car Allah n'a pas besoin de mesure, subhanahu wa ta'ala. Nous disons 6 jours, comme Allah le Très-Haut l'a dit lui-même, subhanahu wa ta'ala. Et il sait que la nuit finit à une limite, et que le jour finit à une limite. 6 jours, comme Allah l'a dit, subhanahu wa ta'ala. Ceci est donc la première preuve. Cette immense création, étonnante, parfaite, a été créé à partir du néant en 6 jours par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah est capable de la faire exister en un clin d'œil. Et notre ordre est une seule parole et il est prompt comme un clin d'œil. Traduction du sens de Surat al-Qamar verset 50. Une seule parole sans même la répéter et c'est soit kun sans devoir la répéter, soit un ciel et une terre et ils sont. Kun fayakun. Alors maintenant, deuxième preuve. ثاني, أي الدليل الثاني, ثم استوى. وهذا دليل على أن الاستواء على العرش يكون بعد خلق السماوات والأرض. أما خلقه العرش فهو قبلهما 50,000 سنة. ثم استوى على العرش بمعنى على وارتفع. وهذا هو أحد معاني الثلاث جاءت في القرآن بمعنى الاستواء هذا. ومواضع أخرى شبيهه والمعنيان الآخران قصد أو قصد واستقرار. فقصد في مثل قوله تعالى ثم استوى إلى السماء أي قصد إليها وعمد إليها، والاستقرار في قوله تعالى ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه سورة الزخرف أي إذا استقررتم، فالآية فيها دليل على اتصاف الرب سبحانه وتعالى بصفة الاستواء. Deuxième preuve, puis c'est établi sur le trône, ceci est une preuve que l'istiwa sur le trône est après la création des cieux et de la terre. Tandis que la création du trône est 50 000 ans. Avant tous deux donc, hein? فَهُوَ قَبْلَهُمَا بِخَمْسِينَ أَلْفِسَنَا 50 000 ans avant. Puis c'est établi sur le trône, le sens de cela est il s'est élevé. Et c'est l'un des 3 sens dans le Coran pour le mot istawa. Les 2 autres sens sont istiqrar wa qasd. Istiqarra wa qasada. Qasd, comme dans la traduction du sens de la parole d'Allah, puis il s'est orienté vers le ciel. Surat al-Baqarah, verset 29. Et l'istiqrar, comme dans la traduction du sens de la parole d'Allah, et qu'ensuite, après vous y être installé, vous vous rappeliez le bienfait de votre Seigneur. Surat al-Zukhruf, verset 13. Et d'estawaitum dans ce verset, c'est-à-dire si vous vous y installez. Le verset de Surat Fussilat est donc une preuve de l'attribut d'Allah, l'istiwa. Maintenant, Cheikh, il pose une question. Wala hiya datiyatun am fi'liyatun? Fi'liya, li'annahu qal, thumma stawa, ya'ni khalaqa as-samawati wal-ard, thumma stawa, fahiya sifatun fi'liya, hada huwa ad-dalil ath-thani. Ath-thalith, yughshi al-layla an-nahar, wa hiya ayatun ukhra. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل سورة آل عمران الليل يغشي النهار فتصير الدنيا مظلمة والنهار يغشي الليل فتصير الدنيا منيرة وهذا الدليل الثالث. Cheikh, il continue en répondant, en posant une question, en répondant à cette question. L'istiwa, cet attribut, l'istiwa, cet attribut d'Allah Azza wa Jal, est-il ce qu'on appelle en arabe fi'liya ou datiya? Alors, Cheikh Al-Uthaymeen, hein, j'ai été prendre dans les règles exemplaires, Al-Qa'il Mousla de Cheikh Al-Uthaymeen pour mieux expliquer cela. Il dit qu'Allah lui fasse miséricorde, il nous explique la différence entre les deux dans son livre, c'est-à-dire al-fi'liya, al-sifa al-fi'liya ou al-sifa al-dhatiya. Dans son livre, les règles exemplaires des noms et attributs divins, al-qawa'id al-muthla. Al-sifat al-dhatiya, ce sont les sifat, les attributs, ceux dont Allah s'est toujours qualifié et qu'il continuera de se qualifier. Et les sifat fi'liya, ce sont les attributs relatifs à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il le veut, il les accomplit, et s'il ne veut pas, il ne les accomplit pas. C'est l'exemple d'al-istiwa, l'élévation au-dessus du trône. Fin de citation de Sheikh Al-Uthaymeen. La réponse est donc ici fi'liya. Et voyez la concordance entre Sheikh Obeid et Sheikh Al-Uthaymeen. C'est-à-dire, il a créé les cieux et la terre, puis s'est établi. C'est donc une sifa fi'liya. Ceci est donc la deuxième preuve. La troisième maintenant, il couvre le jour de la nuit. Et dans d'autres versets du Coran, en traduction, tu fais pénétrer la nuit dans le jour et tu fais pénétrer le jour dans la nuit. Surat Ali Imran, verset 27. La nuit couvre le jour, le monde devient alors obscur et le jour couvre la nuit, le monde devient alors lumineux. Ceci est la troisième preuve. Cheikh, il rapporte al-dalil rabi' yatlubuha hafifan, sari'an, kull wahidin yatlubu l'akhar, fal-laylu la yudriku l'nahar, wal-naharu la yudriku l'layl. والدليل الخامس والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره عرفنا بعض الحكم من الشمس والقمر لكن النجوم لأي شيء خلقها الله عز وجل علامات يهتدى بها وزينة للسماء ورجوم للشياطين ألا له الخلق والأمر له الخلق لا يشاركه في أحد هو الملك له وله الأمر قدرا وشرعا والأمر القدري والأمر الشرعي الأمر الشرعي هو التكليف والرسالات والأمر القدري قضاؤه وقدره في الكون قوله جل ذكره تبارك الله رب العالمين أثنى على نفسه سبحانه وتعالى بهذه الجملة والبركة في اللغة الزيادة زيادة الشيء ونماؤه تبارك الله كمل سبحانه وتعالى حاز الكمال كله من جميع الوجوه وهذه الكلمة تبارك لا تأتي إلا بلفظ الماضي ولا تستعمل إلا في حق الله عز وجل وهل يدعى بالبركة للإنسان وكيف ذلك؟ فالجواب الدعاء بالبركة للإنسان جائز والكيفية هكذا بارك الله لك أو بارك عليك وهذا الأمر مبارك واللفظة الشائعة بين عامة الناس وهي مبروك على فلان كذا خاطئة أو مخالفة لاستعمال الصحيح لغة فمبروك فعلها بركة أما مبارك ففعلها باركة فلا تستعمل مبروكا استعملوا مباركا لأن فعل مبارك كما قدمنا بارك أما فعل مبروك فهو بركة والعامة لا يريدون بقوله مبروك عليه أي بورك عليه لكن خطأ في التعبير فهم يريدون الدعاء له بالبركة لا يريدون الدعاء عليه بالبروك لا يريدون هذا أبدا لكن التعبير خطأ فيقال بارك الله عليك وهذا عليه مبارك النجاح مبارك الزواج مبارك إن شاء الله أما الزواج مبروك والنجاح مبروك فخطأ لما قدمنا ورب العالمين سبحانه وتعالى فلا يخرج عن ربوبيته شيء من خلقه رب العالمين سبحانه وتعالى فلا يخرج عن ربوبيته شيء من خلقه سبحانه وتعالى شيخ il rapporte et j'ai lu le tout en arabe pour qu'on puisse traduire le tout en français inshallah en une fois donc la quatrième preuve يطلبوا حثيثا c'est-à-dire rapidement chacun poursuit l'autre. La nuit ne rattrape pas le jour, et le jour ne rattrape pas la nuit. Cinquième preuve maintenant. Il a créé le soleil, la lune, les étoiles, soumis à son commandement. Nous avons vu, nous connaissons certaines sagesses à propos de la création du soleil et de la lune. Mais pour quelles raisons les étoiles ont-elles été créées par Allah subhanahu wa ta'ala? Ce sont des signes, des indications qui permettent aux gens de se guider, un ornement pour le ciel et une lapidation pour les shayatins, les démons. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Personne n'est associé dans sa création. Il est le seul à la posséder, subhanahu wa ta'ala. À lui appartient le commandement dans la législation et dans la prédestination. Le commandement dans la législation, l'amr shar'i, les messages, et le fait de rendre obligatoire. Le commandement dans la prédestination, l'amr al-qadari, son jugement et sa prédestination dans la création. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Allah le Très-Haut s'est fait l'éloge de lui-même dans cette phrase. La baraka dans la langue arabe, c'est le rajout, de rajouter à quelque chose et faire croître cette chose, le faire ou la faire se développer. Toute gloire à Allah, Allah est parfait et il est parfait de manière complète à tous les niveaux, subhanahu wa ta'ala. Tabaraka, attention ici, on ne le dit pas, on ne le dit qu'au passé. Et ce n'est utilisé que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-on demander maintenant pour quelqu'un la baraka et comment? La réponse, demander, faire une invocation pour demander la baraka pour quelqu'un est autorisé. Et de la manière suivante, barakallahu lak, ou baraka alayk, barakallahu lak, hein? Et telle chose est mubarak. Alors maintenant, cher, il va rapporter un point dans la linguistique, et c'est un point où beaucoup de gens font une erreur. Il dit, tandis que ce qui est répandu chez le commun des musulmans, l'awam, mabrouk ala fulan, c'est une erreur, une transgression de l'utilisation correcte dans la langue arabe. Car mabrouk, hein, c'est ismefoul du verbe baraka. Ce qui veut dire baraquer, s'accroupir. Hein, quand on dit un chameau qui baraque, c'est un chameau qui s'accroupit. Tandis que mubarak, son verbe c'est baraka. Et pas baraka, baraka. Qui est invoquer la bénédiction d'Allah sur quelqu'un ou quelque chose. N'utilisez donc pas mabrouk, mais dites mubarakun. Les awam, les gens de la masse, lorsqu'ils disent mabrouk alayh, c'est-à-dire bourika alayh, c'est une faute dans l'expression. Ils veulent demander la bénédiction d'Allah. Pour lui, ils ne veulent pas invoquer contre lui, par al-buruk, le fait de s'accroupir sur lui, évidemment. Ils ne veulent pas du tout cela, mais c'est une faute dans la formulation. On doit dire barakallahu alayk, hada alayhi mubarak, hein, an-najah mubarak, réussite béni, al-zawaj mubarak, le mariage béni, inshallah. Tandis que al-zawaj mabrouk, an-najah mabrouk, c'est une erreur comme nous l'avons déjà vu. Et Cheikh, il termine en disant, le Seigneur de l'univers, Rabbul Alamin, rien ne sort parmi ces créatures de sa seigneurie, glorifié soit-il, subhanahu wa ta'ala. Et on va s'arrêter là pour l'instant, inshallah. Il nous reste la page 60, 61, 62 et 63 pour terminer l'enregistrement qu'on avait perdu. On demande à Allah Azza wa Jalla qui facilite ça, cela, inshallah. On demande, on fait pas, on dit pas inshallah quand on fait le doua, on demande à Allah Azza wa Jalla qui nous le facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.